c'est bon de te révéler à moi malgré mes péchés et mes parts d'ombre. Sans toi je n'y arriverai pas, car ma vie en dépend. Je te laisse m'emmener, me guider là où tu iras. Emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux. Oh, emmène-moi où tu veux, yeah. Oh. Et de toi j'ai essayé, par mes propres moyens j'ai trébuché. Aujourd'hui je viens reconnaître ma dépendance à toi mon Yahweh. Plus haut, plus haut avec toi je veux monter. Je veux y aller. Oh oui mon Dieu, je viens t'avouer, de toi je ne peux plus me passer. Pas à pas je me rends compte de ma dépendance. Emmène-moi où tu veux, oh, emmène-moi où tu veux.